et l'amour est bien installé. Mais un jour l'aventure plane sur nos têtes et ailleurs on va s'envoler. Qu'y a-t-il dans le cœur des femmes? La douceur d'une biche ou les griffes d'un félin? Qu'y a-t-il dans le cœur des femmes? Tant de choses qu'elles mêmes parfois n'en savent rien. L'homme est bien le plus malheureux. Qu'y a-t-il dans le cœur des femmes? La douceur d'une biche ou les...